Une telle hypothèse avait-elle vraiment guidé ses recherches, l'hypothèse, disons, biologique, on peut dire elle existe au départ dans le choix du terrain, du CADES, mais elle n'apparaît pas ni dans les délibérations du comité, ni dans la majorité des recherches de l'axe biologique, comme les études de nosologie, de gérontologie, de diététique, qui toutes ont utilisé des variables sociales essentiellement et ont accordé comme facteur d'explication essentiellement ces variables. Mais en dehors du dialogue de sourds auquel semblait conduire la confrontation des approches guidées par la génétique des populations et celles qui se réclamaient d'une analyse socio-historique, d'autres occasions de dialogue moins problématiques n'ont pas été saisies. Je les évoque simplement rapidement. Par exemple, le problème de la parenté. Il y a eu des études, même, c'était l'époque où le structuralisme était à la mode, et Michel Izard, qui était un élève de Lévi-Strauss, a fait une étude des structures d'alliance, et que ça, tout à fait comme... mais enfin, il s'est enfermé au premier étage de la mairie et dans l'état civil. Il a fait ça essentiellement en reprenant les mariages enregistrés dans l'état civil. N'a pas fait d'enquête de terrain pour essayer de voir les aspects, les retombées que ça va avoir pour d'autres aspects, d'autres dimensions de la société. Or, l'étude, par exemple, des transformations du milieu des agriculteurs, qui avait révélé le rôle des jeunes exploitants, formés presque tous par la JAC, dans le développement à Plaisévêque d'un syndicalisme paysan modernisateur et militant, en phase avec le mouvement des années 60, ces paysans qui se sont retrouvés aussi bien dans les grèves, dans les manifestations émeutières contre la chute des prix agricoles, du prix des choux-fleurs, du prix du porc, que dans les expériences coopératives, la création des CUMA, des GAEC, encouragés par le gouvernement, eh bien, ils avaient quelque chose de paradoxal. Ils appartenaient au milieu blanc, soi-disant des gros. En fait, leurs entreprises étaient restées presque un peu en dessous du seuil national de rentabilité. Mais ces activistes, qu'on pourrait dire gauchistes, qui étaient tous pour des solutions plutôt collectivistes, comme les coopératives GAEC ou CUMA, eh bien, on s'aperçoit que à cet esprit collectiviste est presque toujours superposé des solidarités de parenté. Le premier GAEC associait trois beaux-frères. Et il s'agissait, dans ce cas, de mettre en commun les moyens de production, le travail fourni, les revenus pour s'allouer des salaires et quelques jours de congé. Et cette préférence accordée à la parenté dans la construction des liens sociaux qui réclame un haut niveau de confiance, n'était particulière ni aux plus gros exploitants, ni au milieu blanc. Certaines recherches ont montré que les petits producteurs de primeurs de la zone côtière, qui étaient plutôt de tradition rouge, préféraient faire appel à des parents, même quand ils habitaient à l'autre bout de la commune, au lieu de solliciter les voisins pour l'entraide saisonnière ou l'empreinte matérielle agricole. Donc, à divers niveaux de fonctionnement de la société locale, on aurait retrouvé la parenté à l'œuvre comme agent non déclaré de la sociabilité et comme la forme d'inscription obligée du pouvoir local. Le partage en deux camps canalise bien sûr les tensions interpersonnelles et les conflits d'intérêts locaux en les enfermant dans une opposition ritualisée entre rouge et blanc. Mais transformant les rivalités présentes en divisions héritées, il assure par la sacralisation des guerres d'hier, l'héritage donc des rouges et des blancs, la cohésion de la communauté actuelle. Et si bien que ce partage, au fond, est un artifice. Comme la communauté elle-même, il est un produit du travail de la mémoire, c'est-à-dire de l'imaginaire, et la combinaison d'un modèle historique, l'histoire donc du divorce entre les rouges et les blancs, et d'un modèle fonctionnaliste, de l'opposition entre rouge et blanc, nous a permis de dégager une personnalité plausévécienne sans nous abandonner, comme le font trop souvent les études sur les sociétés villageoises, à une conception inéiste, si vous voulez, comme si elle était tombée du ciel, de l'identité collective. Alors, il me reste maintenant brièvement, pour conclure, à mettre cette enquête en perspective avec les autres. Plesevet n'était pas la première enquête de sciences sociales de l'après-guerre sur un village français. Il y avait eu la vieille enquête de Bernaud et Blancard sur Nouville. Moi-même, j'avais pris connaissance du livre de Laurence Wiley, qui n'était pas encore traduit en français à l'époque, qui s'appelait Perranne, sur le village en fait provençal de Roussillon. Au moment où se déroulait l'enquête, Laurence Wiley, qui était professeur à Harvard, faisait une enquête du même type à Chanzeau, un village angevin. Mais c'est hors de France qu'il fallait chercher des précédents importants de l'expérience de Plesevet, en particulier les études de l'école d'ethnologie roumaine de l'entre-deux-guerres, dominée par les fortes personnalités de Gusti et de Stahl, comme l'étude de Nerej. Et je dois dire que c'est malheureusement longtemps après sa parution, il était paru en 1969, et après même la publication de mon livre, que j'ai pris connaissance du très beau travail d'Edith Fell et Thomas Hofer, deux ethnologues hongrois qui s'appelaient en anglais « proper peasant », car curieusement, leur travail n'avait pas pu être publié en hongrois parce que ce qu'ils faisaient était considéré un peu comme de la science bourgeoise, trop influencé par les sciences sociales occidentales. À l'époque, la Hongrie était communiste. Et ça s'appelait « proper peasant, traditional life in a Hungarian village », des paysans spécifiquement, la vie traditionnelle d'un village de Hongrie, de la plaine hongroise, qui était une remarquable intégration de l'approche démographique, de l'anthropologie de la parenté, d'une ethnologie historique, d'une société rurale, qui faisait ressortir, par contraste, je dirais, un peu les insuffisances de l'enquête de Plesevet. Il serait injuste, cependant, de réduire le bilan de l'enquête de Plesevet à ses insuffisances. Son caractère pionnier, peu directif, l'ampleur de ses ambitions interdisciplinaires, au-delà du dialogue entre les sciences de l'homme aménagé des passerelles entre sciences biologiques et sciences humaines, ont suscité plus d'un rendez-vous manqué. Et le souhait de ses initiateurs de voir émerger de cette expérience de grande envergure une pédagogie de l'interdisciplinarité a été en partie déçu, certainement. Mais l'une des leçons négative de l'expérience de Plesevet, c'est bien sûr que la réflexion interdisciplinaire ne se décrète pas et convient mal aux dispositifs verticaux de type industriel.